drags me down. Hey yo, tasse ta sacoche que je vois ton porte-crotte. C'est hot, bébé, ça c'est vraiment mon genre de sang. Fait que là tu peux vers fumer parapluie quand il pleut, quand tu veux. Tu peux toujours la checker dans les yeux. Ha, tu le vois qu'on est pas regardeux. Tu blindes tes plafonds, c'est l'intégration des shots fired. Check-moi finir ton pattern, si tu de l'Alzheimer. Repelle les murs de la maison blanche au primer. C'est qu'un éteignement, maîtrise les sur son teaser. Number one, chief rock off. Number two, j'suis comme fuck off. Même si c'est dans salle de bain avec ma belle cocotte. Texte pas ça. Et surtout sexe pas ça. Flex toi de là. Va jouer une game de chess casse. Casse et ça. Reminisce. Troll filler. Puff to ça. Exo. Us to one. Hug deso. Back of the busting up. Les magies dans le ziploc. Toi tu ramènes des petits cops. Embraye la base, petit gars. Qu'on se fasse un slum. Beastie boys. J'ai envie de spit tout bas. Mon gars, un six bar. Beat bar. Me bar. Suis vraiment toi, oui. Viens, on règle ça de voir. Le beat part. Il est rendu ben trop tard pour Ponce Pilate. Qui a fait un petit grasse devant les bottes du dag. Yo, t'as pas un petit dan. Du gros gars, ça j'en cours un ping-pong et tu down. Soit le beat drop et tu down, soit tu le fais pas. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu brettes? L'arrête, ce drap là. Yo, cheesiness. Moi, je fais ça. Mozzarella, pas de feta. T'es Québec. Baby Bell. Rose baguette, passe-moi ça. Avec David Guetta dans Guetta Westman. Fais des hits pour la banque. J'magasine au Best Buy. Bitch, next try. Yeah. J'te parle pour mieux m'écouter. Tu te fais ça un peu zigouiller. J'te redonne la parole comme une grenade qu'on dégoupille. Le Nord est puissant comme des patates chaudes. La sauce brune jaune pis des pieces de cheese en crotte mis en top. Si j'sens le buzz, oui j'm'en vais. J'bouge de cypher comme un maudit light. Tes histoires de ci de ça c'est que j'm'en cas. Faut que j'me faufile dans l'oche. Bout de bouffe pris dans gorge. What the f***. J'ai tout vomi devant le boss. Tu me connais pas, j'gâche des photos de famille avec ma cravate rose. Ce boulevard, y'a de la stime à cause de ma patate chaude. Une petite vache pis du tabasco. À 10 piastres pis tu tabasses l'autre avec un long bout de bumper de smart. Fais pas trop le bat, t'as pas la bonne heure le smart. Tu veux l'autre batch, mais t'as pas mon beurre de yak. Ben tu vas comprendre pourquoi t'as pas peur de moi. Yo, patate chaude, hot potato, faut pas croquer tu sniff. Si j'mange trop de poutine, mes carottes et son frites. One, too hot to handle, ça veut dire trop chaud pour contenir des arachides, t'es en train de cuire. Hot frites, non pas en plein été. Patate chaude, j'pite dessus, pas tes chinois star. Pedro, lâche pas la patate, tu l'as quasiment tu brûles. Miss, boom, pip, faisant une main dans sac de chips. Hot patate. Hot patate, hot patate, hot patate, hot patate, hot patate, chut chut, chaud patate, chaud patate, hot patate, chaud patate, ha, lâche la chaud patate.